Chapitre 2. S'élan. À toute vapeur à travers la végétation tropicale. Les Cingalais. Candy. Paradenia. Le paradis terrestre. La pagode de Bouddha. Mount Lavinia. En route vers Pondichéry. 8 mars. J'ai mal dormi. Il me tarde de fouler le sol de Ceylan, cette île enchantée qu'on dit être la merveille des merveilles. J'ai peur d'une désillusion. Dès 5 heures, nous sommes debout. Au flanc de notre paquebot est une triple ceinture d'outriggers semblable à d'immenses araignées de mer. Note. Pirogue à balancier. Fin de note. Les sauvages, gracieux et peu vêtus, qui les montent dès qu'ils aperçoivent nos casques, tendent vers nous des bras désespérés en hurlant à l'unisson. Chacun compte qu'il sera l'élu. Nous nous introduisons dans le trou étroit, creusé ou plutôt construit sur le dos de l'araignée la plus proche, et 4 Cingalais nous conduisent rapidement à terre tout en psalmodiant une mélopée qui singe nos litanies. Le timonier dirige à la fois l'orphéon et la pirogue. Il a pour tout costume, sur la tête, une calotte en tissu d'or et un nœud de cravate autour des reins. À peine à terre, nous sautons dans un dos à dos, car nous avons résolu de partir immédiatement pour Candy. Note. Capitale indienne de l'île, 15 000 habitants. Fin de note. Après plusieurs reprises énergiques, d'une pantomime bouffe et d'explications laborieuses, notre cocher finit par nous conduire à la gare. Enfin, nous nous précipitons au guichet. Y a-t-il un train? Oui. Dans combien de temps? Dans 1 quart d'heure? Évoé, Bouddha! L'enchantement commence. Tout est ravissant ici. La route, le site, les indigènes, la station elle-même. Le chef de gare est beau, les employés sont complaisants, les wagons confortables. Ce serait la perfection sans la chaleur humide et déjà étouffante. Il n'est cependant que 6 heures du matin. Un coup de sifflet retentit. Le train s'ébranle. J'écarquille les yeux, je dilate mes paupières, je dois ressembler à un carlin. Quelle nature merveilleuse! Quelle végétation! Et quelle variété de splendeur! D'abord, des forêts de cocotiers encadrant des rizières, puis des fourrés impénétrables où toutes les essences sont confondues, puis de nouveau des rizières. Partout, des bouquets de palmiers et de bananiers. À peine distingue-t-on les ruisseaux qui courent dans la mousse sous les bambous et les fougères. Les rochers, les habitations, les arbres même sont envahis par les parasites et les plantes grimpantes. À chaque instant, le paysage change pour rester toujours aussi magnifique. En un mot, c'est une orgie de végétation impossible à décrire, car non seulement la terre est cachée par la verdure, mais la verdure elle-même disparaît sous les fleurs. Comme il est à peine 7 heures, toute la nature ruisselle encore sous sa toilette matinale. Chaque herbe, chaque feuille pleure des gouttes de rosée, qu'argente, d'or, où irise le soleil, tamisant à travers le feuillage. De toutes parts, les fleurs entrouvent leur corsage parfumé et au-dessus de ce colossal parterre qui semble une bousculade de bouquets monstres pointent au loin de hautes montagnes moussues dont les cimes bleuâtres dominent seules cette bourrasque de verdure. Les routes ressemblent à des rubans jaunes et roses, les oiseaux à des papillons et les papillons à des oiseaux. Quant aux fleurs, celles qui sont naines en Europe sont géantes ici, et vice-versa. À droite, un lac sauvage nous apparaît tout à coup, comme un miroir jeté dans la verdure. À gauche se dressent 3 demeures féodales de termites blancs. Plus loin, une cascade lèche en les éclaboussant d'écume de noirs rochers pailletés de mica. Le Mudval Ganga que nous côtoyons n'est lui-même une succession de points de vue féeriques Et comme il est sans doute écrit que tout doit être ici, à l'unisson de la merveilleuse nature, notre locomotive nous envoie par instant des bouffées de parfum, car elle consomme non du vulgaire charbon, mais du bois odorant. Note: Ganga, fleuve en langue singhalaise. Fin de note. Au milieu de ce paysage unique, un peuple demi-nu et digne de l'âge d'or s'agite lentement et gracieusement, souriant à tout venant, se baignant à tout propos et paraissant n'avoir d'autre souci que celui de peigner et de repeigner sa longue chevelure d'ébène. La voie ferrée court pendant 3 heures au milieu de ce fouillis verdoyant et à travers ce chaos de sites indescriptibles jalonnés de charmantes stations où des indigènes nous offrent du gibier, des fleurs, des ananas exquis, des bananes roses et des cocos de toutes les formes. Au début, on ne distingue pas nettement les Singhalaises des Singhalais, car ceux-ci, terriblement efféminés, portent presque autant de bijoux que leurs compagnes et s'habillent, comme elles, d'une sorte de pagne langoutie, tombant en général jusqu'à la cheville. Seuls les hommes de peine se contentent d'un simple mouchoir autour des reins. Les hommes laissent leurs longs cheveux flotter naturellement sur leur dos ou les relèvent sur le sommet de la tête en un chignon que maintient en place un peigne d'écailles blondes. À la moindre démangeaison, une fine main noire saisit le peigne, le promène à l'endroit contaminé, puis le replante triomphalement. C'est un tic qui fait concurrence à celui plus dégoûtant de mâcher du bétel. Les femmes sont excessivement gracieuses et très bien faites. Leur visage seul laisse souvent à désirer. Elles se couvrent de bijoux, se tatouent finement les bras et piquent dans leur chevelure des fleurs de jasmin. Outre le pagne plus ou moins ample, une pièce d'étoffe leur cache à demi la poitrine. Beaucoup portent un léger caraco de couleur claire ou un étroit mamillaire rouge. Le dos, les bras et une partie du ventre restent à découvert. Cependant, j'ai vu quelques Singhalaises vaquer aux soins du ménage, nues jusqu'à la ceinture. Les enfants n'ont aucun vêtement. S'élant jouissant d'une température constamment étouffante, on conçoit sans peine la passion des Singhalais pour la baignade. Rencontrent-ils une rivière, un lac, une flaque d'eau, ils enlèvent immédiatement leur langoutie dont l'éclat ajoute de nouvelles fleurs aux fleurs des buissons, et ils se mettent à l'eau. Tout le long de la route, semée de ruisseaux et d'étangs, nous observons que les noires baigneuses se détournent poliment quand notre train arrive à leur hauteur et qu'elles reprennent leur joyeux ébat dès que nous les avons dépassées. Bientôt, nous ralentissons notre marche. La montée commence. Notre train court et grimpe comme un lézard monstre sur les flancs des rochers, contourne des précipices, traverse des quartiers de montagne sous des tunnels rugueux et suintants. La végétation diminue d'intensité à mesure que nous nous élevons, mais les points de vue deviennent de plus en plus fantastiques. Nous traversons plusieurs districts à café, au milieu desquels de rares eucalyptus, épargnés par la hache et le feu, dressent çà et là leurs troncs éraillés. Note: districts à café, l'Emileia vastatrix fait actuellement de grands ravages dans les plantations. Des cascades nous éclaboussent au passage, de vigoureux insectes cinglent en bourdonnant, l'air embrasé, et un gros singe gris à queue courte, assis sur son derrière, nous fait la moue. Nous atteignons vers 9 heures le point culminant de la montée où est érigée une colonne commémorative de l'achèvement de cette gigantesque entreprise. La végétation reprend de plus belle à mesure que nous redescendons et nous arrivons enfin à Kandy après avoir fait 120 km au milieu d'un continuel enchantement. Une voiture du même genre que celle de Colombo nous dépose à Queen's Hotel. Après un déjeuner passablement mauvais et épicé en diable, nous remontons dans notre carriage. Quelle soleillade, bon Dieu! Mais que Kandy est donc jolie et coquette, et qu'elle est bien blottie dans son nid de cocotier! Devant nous s'étale un lac bordé d'une balustrade de marbre blanc finement travaillée. Au centre, une île qui est à coup sûr enchantée mire dans ses eaux limpides les tiges déliées de ses bambous et les crosses élégantes de ses fougères. Partout, on ne voit que verdure et soleil. Tout en admirant ce charmant paysage, nous arrivons à la pagode où la dent de Bouddha est religieusement conservée sous la forme d'une défense d'éléphant. Les bonzes nous en refusent la vue. Quel dentiste ! Cependant, ils nous reçoivent avec complaisance et nous offrent des tubéreuses oranges, dites fleurs purifiées. Les mains droites donnent les fleurs, mais les mains gauches n'ignorent pas ce que font leurs correspondantes et implorent au nom de Dieu un pieux bakchiche. En réalité, cette pagode vénérée n'a rien de très remarquable au point de vue architectural. Pendant que nous visitons la bibliothèque célèbre, un rat de pagode nous fait l'historique du bouddhisme. Note. Le bouddhisme a été fondé par Sakyamuni au 7e siècle avant Jésus-Christ. Vivien Saint-Martin. Fin de note. Le christianisme et le bouddhisme ont évidemment plusieurs points communs, mais comme je ne suis ni théologien ni savant, je déclare forfait sur cette question, trop sérieuse pour être traitée à la hussarde. Nous retraversons Kandy et nous filons sur Paradenia par une température invraisemblable. La grande route bordée à gauche et à droite de cases tapissées de plantes grimpantes et de fleurs nous permet de faire tout en roulant une étude complète des mœurs et des coutumes des Kandyotes. Au bout d'une demi-heure de cuisson, nous arrivons au jardin de Paradenia, le paradis terrestre, prétend-on. Ici, je dois dire que l'auteur s'embarrasse terriblement. Je ne sais comment dépeindre cette nature exubérante qui nous entoure, nous envahit et nous stupéfie encore plus que le soleil implacable flamboyant au-dessus de nos têtes. Une allée ombreuse de banyans nous conduit d'abord à une prairie au centre de laquelle des arbres géants de la même famille élèvent jusqu'aux nues leurs têtes orgueilleuses et projettent au loin leurs bras énormes. Note, banyan, ficus elastica. Fin de note. Quand les rameaux trop puissants de ces patriarches des forêts indiennes ne peuvent plus se soutenir eux-mêmes, une goutte de sève, sorte de stalactite végétale, s'en détache, grossit, s'allonge et touchant bientôt terre, devient béquille. Cette béquille se transforme à son tour en un arbre, pousse de nouvelles racines, étend de nouvelles ramures et ce phénomène, se reproduisant à l'infini, forme ainsi d'un arbre unique une forêt. Tout alentour de ces colosses, le réseau extravagant de leurs monstrueuses racines côtelées couvre le sol, semblable à des serpents pétrifiés. Nous sommes en plein paradis terrestre. De tous côtés, les arbres les plus rares dressent leurs troncs polis ou noueux, élégants ou massifs, et leurs chevelures moutonnantes ou pleureuses. Ici, des fougères arborescentes nous abritent sous leurs ombrelles vert tendre, si régulièrement frangées qu'on les croirait artificielles. Là, le manguier du Cambodge pique de ses fruits d'or la masse touffue de son feuillage noir. Le long du Mahavili Ganga, des bambous colossaux agitent à 30 mètres de hauteur l'extrémité ténue de leur tige, dont la base mesure 50 cm de diamètre. Plus loin, au bord d'un lac au lotus rose, les arbres à coton plaquent leurs fleurs jaunes de chrome ou rouges de Saturne contre leurs branches chauves et leurs troncs blafards, tandis que les borassus, dont la tête semble un amoncellement d'éventails gigantesques, profilent leurs sveltes colonnes au-dessus d'un fouillis d'arbustes et de fleurs inconnues. Note. Lotus, Nelumbium speciosum des Égyptiens. Borassus, arbre de la famille des palmiers. Fin de note. À droite, à gauche, de toutes parts, les plantes grimpantes et les lianes étendent ou traînent leurs manteaux de sinople, qu'herminent les orchidées grimaçantes et les hibiscus pourpres. Partout, enfin, la flore de l'univers entier se bouscule, s'accouple, fermente et germe sous l'embrasement fécond de Phébus en folie, inondant la nature de son éblouissante lave et criblant de ses dards de feu l'ombre même des voûtes de verdure. Pendant que, pressés par l'heure, nous rallions notre voiture, quelques-uns des jeunes indigènes qui nous escortent, dans le costume d'Adam, costume essentiellement de circonstance, grimpent comme des singes au sommet des manguiers d'une espèce particulière et nous en apportent le fruit exquis. D'autres nous offrent des fleurs étranges, dont quelques-unes sont tellement rouges qu'elles ressemblent à des flaques de sang. De gros lézards noirs traversent les allées devant nous, mille oiseaux gazouillent au-dessus de nos têtes et toute une nichée de rats palmistes joue à cache-cache sur notre passage. Nous abandonnons enfin ce paradis qui va devenir pour nous le paradis perdu et nous gagnons la station de Paradenia sans pouvoir détacher nos regards du paradou exotique deviné par M. Zola et si merveilleusement dépeint par lui dans la faute de l'abbé Mouret. À peine avons-nous le temps d'admirer la gare de Paradenia, étouffée sous les plantes grimpantes, que le train de Candie arrive. Nous montons en wagon. À 6h30, nous sommes à Colombo et quelques instants après au Great Oriental Hotel, immense bâtiment anglais indianisé très confortable. Note: Colombo, chef-lieu du gouvernement de l'île, 120 000 habitants. Fin de note. Quelques-uns de nos compagnons de voyage nous attendent sous la véranda pour dîner avec nous car l'heure de la séparation approche. Demain, le Natal cinglera vers l'Indochine, tandis que le Tibre doit nous emporter le long de la côte de Coromandel. À table donc, Girondins des tropiques! Les Cingalais sont de déplorables cuisiniers. Les Anglais, leur unique maître en l'art culinaire, ne le leur cédant en rien, les résultats sont pitoyables, d'autant plus que les viandes et les légumes sont eux-mêmes de mauvaise qualité, assez lents, comme dans toute l'Inde. En revanche, les amateurs de gingembre, de piment, d'épices et de toutes les variétés d'emporte-gueule sont servis à souhait. Les plats les plus saugrenus et les plus hétéroclitement composés se succèdent sans interruption et sans ordre aucun. C'est une série interminable d'objets de pâture sans genre bien défini. On nous sert par exemple du poisson avec du riz, de la viande avec de la marmelade, du poulet avec du fromage, etc. Par contre, le service est admirablement fait. Une nuée de boys bengalis, nu-pieds et vêtus de blanc, veille attentivement à l'exécution de nos moindres désirs et se chuchote à l'oreille nos ordres de bouche que nous donnons par écrit sur de petits papiers disposés à cet effet. Outre leur maintien et leurs gestes extrêmement réservés, ces serviteurs ont une façon de porter en auréole leur chapeau blanc qui fait naître l'illusion qu'on est servi par des saints. Malgré la hauteur considérable des plafonds et la disposition parfaite des appartements, au point de vue de l'aération, la chaleur humide ne nous permettrait pas de manger si d'immenses punkas, balancés majestueusement par des serviteurs invisibles, n'entretenaient un courant d'air continuellement parfumé au contact des bouquets répandus sur les tables. L'inconvénient de ce courant d'air est de refroidir immédiatement les mets, aussi étant obligé, pour en atténuer l'influence, de manger dans des assiettes munies d'un réservoir d'eau chaude. Après le dîner, nous allons faire une tournée nocturne dans les faubourgs de Colombo, merveilleux enchevêtrement de maisons, de cases, de lacs, de cocotiers et d'arbustes. Cette sorte de bois de Boulogne tropical, violemment argenté par les rayons de la lune plaqués au zénith, nous produit un effet saisissant et inoubliable. Dans un carrefour, un bonze accroupi sur un reposoir prêche dignement devant une multitude recueillie. Notre guide s'agenouille un instant dans l'herbe étoilée de vert luisant et nous rejoint ensuite. Pendant ce temps, les engoulevents aux ailes molles et de gros oiseaux de nuit passent comme des souffles en quête d'insectes qui, hélas, ne manquent pas. Il est 10h30 et la chaleur est toujours accablante, malgré l'humidité tombant en vapeur des tuves. Gare au rhumatisme. Nous regagnons nos chambres. Ma chemise de nuit ne me gêne guère. Et cependant, j'étouffe. 9 mars. Je n'ai pas fermé l'œil. Une maudite nourrice singalaise, ma voisine, a lutté toute la nuit contre son nourrisson. Celui-ci n'a pas cessé de protester à sa manière et j'ai eu beau engager la noire maltée à s'asseoir dessus pour en finir, l'entêté n'a jamais voulu consentir à inaugurer ce genre d'allaitement impressionniste nouveau pour elle. À 6 heures, un serviteur vient m'offrir un repas composé de beurre de zébu, de confiture de je ne sais trop quoi et de mauvais café. En fait, de déjeuner, je prends mon bain et je rejoins mon ami. Il a si bien dormi qu'il n'a pas perçu une seule note du concerto aigu exécuté par le marmot, mon ennemi. Je l'en félicite, puis nous nous rendons à bord du Natal. Ce n'est pas sans tristesse que je fais mes adieux à la vicomtesse de Bézor, la plus aimable et la plus sympathique des femmes qui va crânement représenter notre pays à l'autre bout du monde où son mari, tout jeune encore, a su déjà acquérir une notoriété considérable. Note à Fuchéou, fin de note. Pourquoi le commandant Didier m'a-t-il défendu de dire ici tout le bien que je pense de lui? Et vous, excellent docteur Piotrowski, pourquoi avez-vous imité votre commandant? Nous nous reverrons s'il plaît à Dieu. Quant à tous ceux encore que je regrette de quitter, la liste en est trop longue pour que je la donne. Après nous être assurés du transfert de nos bagages sur le Tibre, arrivés nuitamment en rade, nous retournons à Colombo, toujours en araignée Orphéon. Du quai, une voiture nous conduit au muséum. Ce monument, très bien compris, est bâti au milieu d'un jardin parfaitement entretenu, quoique le soleil volatilise l'eau à mesure que les jardiniers la versent de leurs outres sur les plantes altérées. Après avoir examiné toute la faune de Ceylan, assez mal empaillée d'ailleurs, et une curieuse collection de monstres marins et d'énormes crânes d'éléphants, nous allons faire notre persil à l'Esplanade, vaste plage régularisée, située à l'extrémité sud du fort et au-delà des casernes. Comme c'est dimanche, la gentry s'y est donné rendez-vous en costume de gala. Les sous-officiers et les soldats anglais que nous croisons marchent deux par deux, gourmés et silencieux, dans leurs costumes blancs. Ils saluent de la main gauche les officiers en civil que, d'après leur mine ennuyée, j'accuse de trouver le temps long et la promenade monotone. Quelques-uns conduisent avec flegme leur voiture légère en soulevant des nuages de poussière rose, tandis que de jeunes gommeux, cingalés, passent au grand trot de leurs petits zébus. Je remarque peu d'équipages correctement tenus, mais j'observe que, dès qu'une voiture passe au pas, les saïs, penchés derrière, sautent à terre et suivent à pied en se donnant la main. S'arrête-t-on, ils vont immédiatement s'accroupir au nez des chevaux, avec lesquels ils entrent immédiatement en conversation. Les auditeurs monodactyles allongent le cou, baissent la tête et ont l'air d'écouter avec intérêt leur conférencier. La plus noble conquête que le cheval ait jamais faite, etc., etc. Autant les indiennes sont gracieuses sous leur langoutis national, autant sont grotesques les métisses indo-portugaises dont la plupart noires comme des taupes et se figurant le contraire ont adopté les modes européennes. On dirait des singes habillés. Les mâles de ces guenons sont encore plus ridiculement accoutrés. Ils portent une veste, un jupon blanc et un chapeau à haute forme, coiffant leur chignon à peigne. Nous jetons un coup d'œil en passant sur les casernes, aussi bien tenues que ceux qui les habitent et admirablement disposées au point de vue de l'aération et du confort. Comme à Aden, la voirie est confiée aux choucas. Dans la soirée, nous visitons les vieux quartiers de la ville pour étudier l'esthétique singalaise, tamoule et malaise et observer les mœurs de ces différentes races. Je suis à peine couché que l'infernal duo reprend. 10 mars. Au matin, nous faisons une tournée approfondie dans les bazars de la ville noire et après avoir effectué quelques achats, particulièrement chez les bijoutiers morts, qui remplacent ici les juifs, nous allons rendre visite à l'agent consulaire de France. Monsieur Runia nous accueille on ne peut plus gracieusement et nous donne une foule d'indications et de renseignements précieux. Au sortir de chez cet aimable compatriote, nous sommes presque bousculés par un détachement de l'armée du salut. Que Dieu le leur accorde promptement et qu'il débarrasse encore plus promptement le monde de cette ridicule engeance. Ainsi soit-il. Non loin des sudis hystériques, nous croisons une quarantaine de forçats indigènes, habillés d'un complet blanc, à raies bleues, marchant lentement deux par deux au son argentin de leur chaîne légère. Si les gardes chiourme ont l'air rogues, en revanche les prisonniers sont gras et réjouis. Comme j'en fais l'observation à haute voix, un Anglais m'explique que les forçats sont les gens les plus heureux de toute l'île. Ils travaillent fort peu et la ration gouvernementale de riz étant le triple de celle qu'ils mangeraient chez eux, il en résulte que, assez lent, les forçats, au lieu d'être au bagne, sont à l'engrais, décidément. Les gueux sont des gens heureux, vive les gueux. Nous déjeunons promptement à 9h, car nous avons résolu de visiter la pagode de Bouddha, Tiffiné, à Mount Lavinia, charmante station balnéaire située sur la voie ferrée en construction devant réunir Colombo à Pointe de Galles. Note, le Tiffin est un deuxième déjeuner servi habituellement vers 2h. Fin de note. La pagode de Bouddha, située tout à l'extrémité de la ville noire, est surtout remarquable par la statue dorée du dieu qui ne mesure pas moins de 7 mètres de longueur. Bouddha est représenté couché sur le flanc droit. Sa physionomie respire à la fois la béatitude céleste et l'indifférence terrestre. Il a absolument l'air de dire « Je me moque de tout, faites-en autant ». Un sous-bonze nous explique ce que nous savons déjà sur le bouddhisme, nous ouvre les reliquaires miraculeux, nous offre des fleurs purifiées, naturellement, et nous tend encore plus naturellement la main. Ce pieux mendiant soldé, un deuxième se présente. Nous l'envoyons se faire purifier. Et nous retournons à Colombo, prendre le train de Mount Lavinia. Nous traversons d'abord sur pilotis le lac séparant la ville noire, Péta, de la ville blanche, le fort, puis nous entrons dans la forêt de Côte-Putie, toute semée de charmants cottages cachés sous des rideaux de fleurs à l'ombre des palmiers touffus. Notre train court bientôt le long de la mer où règne une animation extrême parmi les pêcheurs. Les uns, aidés de leurs compagnes, mettent à flot ou retirent sur la grève leurs pirogues à balancier étrange. D'autres étendent leurs filets sur les galets dorés. Un peu partout, de gracieuses cingalaises disposent dans de larges corbeilles des poissons aux écailles éclatantes. Sous chaque bouquet d'arbres est accoquinée une case grouillante d'enfants nus et au travers de cette agitation passe lentement un bonze tout de jaune habillé suivi d'une sorte d'enfant de cœur portant son éventail. Plus nous avançons, plus le paysage est ravissant. Mais nous sommes déjà à Mount Lavinia. Sur un tertre élevé, dominant l'océan, s'élève le grand et unique hôtel de l'endroit. D'ici, je vois la mer immense et sans limite. Fredonnons-nous avec Célica. Nous voyons aussi le soleil, trop même, car nous sommes obligés de nous réfugier sous la véranda à l'abri de ses rayons incendiaires. Ah, le bon peg que nous absorbons mollement étendu sur les grands fauteuils dorotin, pendant que des marchands indiens étalent à nos pieds toutes sortes de jolis objets. Note, peg, littéralement clou de cercueil. C'est un mélange de cognac et d'eau de seltz. Chaque fois qu'on absorbe cette consommation, on est censé préparer un clou de plus pour son cercueil. De là, l'expression familière. Nous leur achetons quelques bijoux d'argent. Puis après avoir donné un coup d'œil au charmeur de Cobra Capello, nous nous rendons aux sollicitations de notre estomac qui, sous ses latitudes, a besoin d'être calmé 5 fois par jour. Note Cobra Capello, serpent venimeux et fétiche. Fin de note. Nous goûtons très passablement et quoique la note se ressente un peu de l'élévation de la température, les crevettes sont si fraîches et le champagne est si pétillant que nous nous déclarons enchantés quand même. Après une courte promenade, nous remontons en wagon et nous regagnons Colombo sans cesser un instant de dévorer des yeux le merveilleux paysage déjà vu, éclaboussé d'or par le soleil couchant. Au moment où nous montons à bord du Tibre, la nuit jette brusquement son crêpe sur ses lents. Antique et divine Taprobane, adieu. Fin du 2e chapitre.